marché de Lebeau Auto. Le mois d'août, c'est le mois du camion avec le Silverado 1500 à cabine multiple. Financement à 0% sur 72 mois, plus 2 900 $ en remise au comptant à la livraison. Ou encore le Colorado 2019 à 1,99% pendant 60 mois, plus 1 250 $ en crédit total de financement. Profitez des rabais préférentiels aux membres Costco admissibles. De Lebeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, de Lebeau Mistassini, 276-0580. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Aujourd'hui, date historique dans l'histoire des Expos de Montréal. Il y a 30 ans aujourd'hui, les Expos de Montréal et les Dodgers de Los Angeles disputaient le plus long match de l'histoire des Expos. Plus de 22 manches. C'était le match qui a duré de plus de 6h39. Et il y avait eu plusieurs faits cocasses durant ce match-là. On se rappelle de l'attrapé de Larry Walker et ainsi de suite. Et on va parler avec Youpi également, qui avait été expulsé durant la rencontre. Et on a la chance de parler avec la personne qui faisait Youpi durant le match il y a 30 ans. C'est M. Claude Hubert. Bon après-midi, M. Hubert. Bonjour. Hey, ça fait longtemps, 30 ans. Il me semble que c'est hier, ce match-là. Ça avait été un très, très long match. 6h39 à être derrière, dans le costume de Youpi. Il faut dire que vous aviez été expulsé. De mémoire, je pense que c'était en 14e ou 15e manche. Hein? À l'11e manche. À l'11e manche, OK. Oui. Puis comment ça s'est passé? Ben moi comme d'habitude, quand le match se prolongeait plus que 9 manches, j'avais fait faire un costume, là, un pyjama, pour dire aux gens, ben il est assez tard, je vais aller me coucher, parce que Youpi, bon, on dit que toujours c'est un petit garçon de 7-8 ans. Ouais. Fait que puis là, j'étais rendu à l'onzième, puis j'étais sur l'abri des joueurs des Dodgers. Les spectateurs commençaient à faire du bruit sur l'abri. Moi, j'étais dessus. Et Tommy Lasorda, le coach, a sorti. Et là, il m'a demandé bien gentiment de débarquer de l'abri. Puis moi, sur le coup, ben j'ai OK, tu sais, mais l'arbitre au troisième but, qui était Bob Davidson, lui, il pensait qu'il m'engueulait. Donc, il a pris une décision tout de suite de dire, ben Youpi, t'es out du match. Ça avait été c'est très inusité. Je pense, de mémoire, j'avais jamais vu ça, qu'une mascotte avait été expulsée d'un match. Non, c'est la première mascotte de la ligue baseball majeure qui arrive ça. Puis, dans le fond, moi, j'étais dans mon local, là, je ne savais pas, j'étais vraiment expulsé du match ou de seulement pas aller sur l'abri des joueurs des Dodgers. Mais là, on m'a informé que c'était vraiment hors du match. Mais là, les gens ont crié pendant une manche de temps, youpi, tellement que l'arbitre, justement, Bob Davidson, il est revenu sur sa décision, puis il a dit, OK, sors, mais reste du côté des Expos. Puis là, les gens applaudissent. Même, on voit l'arbitre applaudir lui aussi. Fait que c'est assez spécial. OK. Mais je me rappelle très bien de l'image de Tommy Lasorda quand il avait sorti de l'abri. Là. Ça avait été capté par les caméras de télévision, cela. Oui, puis il gueulait, mais il gueulait après les spectateurs. Les gens pensaient qu'il gueulait après Youpi. Mais moi, j'étais déjà retiré. Tout ça, mais il gueulait, c'est après les spectateurs que... Les spectateurs faisaient des gestes pas trop beaux. Puis c'était pas eux qui gueulaient, c'était pas après Youpi. Les gens ont toujours pensé que c'était après Youpi, mais c'était effectivement après les spectateurs. Vous l'avez fait combien d'années, Youpi? 7 ans vraiment à temps plein, officiellement. Puis j'ai fait une couple de petites sorties là, par après. Mais moi, j'ai fait d'autres mascottes par après. Là. J'ai fait ça pendant 20 ans en tout. Là. J'ai été avec les Alouettes de Montréal, l'Impact de Montréal... Il y a eu les dragons, la machine. Ah oui, okay, j'ai fait à peu près 100 personnages là, différents. Là, Est-ce qu'il y avait une formation pour faire la mascotte? Moi par la suite, c'est ça que j'ai fait. Moi, je donnais une formation à des jeunes qui voulaient faire ce métier-là. Okay. Moi, j'ai appris là, vraiment là, comme ça. Là. C'était vraiment sur le tas, là, comme on dit. Là. Qu'est-ce qui faisait que Youpi, aujourd'hui, il est avec le Canadien de Montréal, mais dans le temps, c'était l'une des meilleures mascottes de l'histoire avec les Fini Fanatics. Puis tu avais peut-être le Kitchen à Pittsburgh? Le Chicken de San Diego. Ouais, à San Diego, ouais. C'était pas à Pittsburgh, c'était San Diego, effectivement. Donc, qu'est-ce qui faisait que Youpi était une des plus grandes mascottes dans le baseball majeur? Ben, moi, mon... mon travail consistait à faire, moi, en tout cas, pour moi, là, c'était de faire rire les gens. J'ai pas été, j'étais pas un maniaque de baseball, là, vraiment, connaissais toutes les moyennes des joueurs, tout ça. J'étais, moi, c'était vraiment de l'animation. Okay. Donc, moi, quand à la fin de la soirée, les gens disent, ben, on a perdu, mais au moins, on a eu du fun avec QP, ben, moi, je pense que mon travail était fait. Puis c'est ça que j'adorais faire, là. C'est vraiment, là, le contact avec les gens et tout. Et là, les jeunes là, aussi, là. Ah, moi, c'était la priorité, c'est sûr, c'était les enfants. S'il y avait une belle jolie dame à côté, ben moi, c'était l'enfant qui était prioritaire. J'allais voir la dame après, mais c'était l'enfant qui était prioritaire. Oui, effectivement. Puis, même après ça, on allait même dans les hôpitaux aussi, là, pour voir les enfants parce que il était bien populaire. Lui. Rappelez-vous de ce match-là. C'était un match mémorable quand même. Écoute, d'ailleurs, il est disponible sur YouTube, les 6h39 minutes, le match avec la description de Camille Dubé et Claude Raymond. Il y avait eu toutes sortes de d'aspects cocasses. Larry Walker qui avait été retiré, il y avait eu toutes sortes d'affaires. Oui. Puis ça a été, moi, depuis 5h le soir, j'avais le costume là, sur le dos jusqu'à 1h du matin. Fait que j'ai perdu une coupe de livre. C'était incroyable. Vous, là, si Youpi revient, et si les Expos reviennent, Youpi, dois-tu appartenir aux Canadiens ou non, aux Expos? Moi, ce qu'ils devaient leur donner aux Expos, parce que c'est vrai, l'image de Montréal, c'était Youpi, c'était dans le temps, c'était vraiment avec les Expos. C'est sûr que les gens, présentement, les jeunes commencent à le connaître, Youpi, parce qu'ils n'ont pas connu avec le baseball, donc pour eux, c'est avec le Canadien. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont faire, là, Canadien. Et là, ils font pas grand-chose avec, je trouve, là. Il est mal exploité, peut-être? Ben, c'est parce qu'ils veulent pas qu'ils volent la vedette aux joueurs, puis il est limité dans ses gestes. Donc, c'est dommage, parce que Youpi, quand il venait du fun en place, mais que les gens sont contents. Hein, pis, ben oui, effectivement. Ben, Claude Hubert, merci beaucoup pour cette entrevue-là. On va se rappeler de ce match-là il y a longtemps. C'était le plus long match de l'histoire des Expos. Plus de 6h39 minutes, 22 matchs. Ça avait terminé par Rick Dempsey qui avait mis fin, qui avait évidemment rompu l'égalité entre les Expos et les Dodgers. C'est terminé 1-0. Ouais. Tout ce long match-là. Ouais. Monsieur Claude Hubert, qui faisait la mascotte il y a 30 ans aujourd'hui, lorsque les Expos et les Dodgers disputaient le plus long match de l'histoire des Expos, 6h39 minutes.